Chapitre 23e. La comtesse resta abasourdie. En exilant son neveu, elle avait prévu quelques dangers, mais pas de cette espèce assurément. Séance tenante, elle écrivit à Xavier une réprimande des plus sévères, puis s'arrêta à la résolution de garder le silence vis-à-vis de Marthe et de sa fille. Mais chacun sait combien ces sortes de résolutions sont difficiles à maintenir. Le thé de 5 heures avait à peine réuni les 3 dames, que de réticence en concession, la bonne comtesse avait révélé les 3/4 de l'histoire, et quand elle en fut là, force lui fut d'aller chercher la lettre pour prouver aux pauvres femmes inquiètes qu'après tout Xavier était sorti sain et sauf de l'aventure. Thécla pleura le soir seule dans sa chambre. Elle avait vaguement cru que son fiancé vivait uniquement pour elle, comme elle vivait uniquement pour lui. Et voilà qu'il avait bien autre chose en tête. Le lendemain, avant de terminer sa toilette, elle s'assit devant son buvard et écrivit au téméraire la plus jolie petite lettre, pleine de conseils, d'adjurations, de gronderies et de tendresse. Tout ce que le sentiment le plus naturel peut inspirer à une jeune fille presque absolument dénuée de littérature s'épancha à flot sur le bienheureux papier, qui fut en outre taché de quelques précieuses larmes. La comtesse, qui avait réfléchi pendant la nuit, écrivit en même temps de son côté, et bien qu'elle ne versât point de larmes, bien que son style, plus châtié, ne fût point empreint d'une aussi exubérante tendresse, les 2 lettres, au fond, disaient absolument la même chose. La réponse ne se fit pas attendre. Xavier rassura sa tante en termes ambigus, bien faits pour l'effrayer davantage, et Thécla reçut ces quelques mots seulement, « Soyez sans inquiétude, nous sommes plus près de nous revoir que vous ne pensez. » Naturellement, la pauvre enfant n'en fut que plus tourmentée, le résultat ordinaire de telles paroles étant de doubler le souci de ceux à qui l'on conseille le calme sans leur donner d'explication. 3 semaines s'écoulèrent ensuite sans autre nouvelle de l'imprudent Xavier, après quoi la comtesse reçut une lettre qui, cette fois, la fit littéralement frémir. « Ma tante, écrivait l'exilé, quelque malheur m'arrivera sûrement. » Et c'est vous qui l'aurez voulu. Je croyais en avoir fini avec mon ennemi la dynamite, et voici qu'elle reparaît à l'horizon de la façon la plus menaçante. Il m'est impossible de me soustraire sans déshonneur à la mission qui m'est confiée, et pourtant. Mais je ne veux pas vous influencer. Le récit des faits suffira pour vous éclairer. Après les événements que je vous ai contés, je fus quelque temps à me remettre de tant d'émotions, et si vives. Et même lorsque je crus avoir relégué l'histoire de ces 3 jours au nombre des souvenirs à demi effacés, le mot dynamite ou le nom du navire, qui courait dans les bouches comme celui d'un objet de ménage, car la Volumnia faisait régulièrement le service de Raguse, ces mots qui pour les autres n'évoquaient rien de pénible, me faisaient dresser les cheveux sur la tête. Non que j'eusse peur pour moi, mais l'idée que je pouvais contribuer sans le vouloir à la destruction de mes semblables m'inspirait une indicible horreur. Restait une autre pensée. À quoi allait servir ces dynamites si difficiles à faire voyager, si délicates à manipuler? Car depuis que mon esprit a recouvré sa liberté, j'avais perfectionné mes études à cet endroit, et le produit dangereux n'avait plus pour moi d'autres mystères que ceux que les savants eux-mêmes n'ont encore pu pénétrer. Je m'en informais à mes frères d'armes avec l'assurance que me donnait le sentiment d'avoir été utile à la cause, tempéré toutefois par la discrétion qui est l'apanage d'une bonne éducation. « On fera sauter le palais des tyrans, » me fut-il répondu. « Pauvre tyran, j'espérais au moins que les tyrans ne seraient pas dans leur palais quand viendrait le jour choisi pour cette opération. J'aimais toujours la cause, mais je ne la dessinais plus du tout. » Depuis l'aventure de la Volumnia, son idée n'évoquait plus que des feux d'artifice de bras et de jambes projetés en l'air à une hauteur prodigieuse, ou bien le grand remous d'un navire qui coule à pic. Je préférais ne plus y penser. Ce matin, comme je m'apprêtais à me rendre au musée, qui par cette chaleur est à peu près le seul endroit où l'on puisse passer agréablement une après-midi, je reçus un rendez-vous. Je m'y rendis, et j'y trouvai un affilié qui m'emmena comme la première fois. Je parus devant le chef qui me dit « Vous êtes un fidèle serviteur de la cause. » Dans une circonstance difficile, vous avez montré l'intelligence et le sang-froid, qu'on attendait de vous. Il s'agit maintenant de recommencer ce que vous avez déjà accompli si bien. Comment ? Encore de la dynamite ? M'écriai-je, Il n'y en avait donc pas assez ? Le chef me calma du geste. « C'est la même, » dit-il, « nos frères n'en ont pas trouvé l'emploi. » Et comme ils craignent d'être pris, ils nous la renvoient. « Ils la renvoient ? » répétai-je avec un sentiment d'hostilité très prononcé à l'égard de nos frères. Je réfléchis un instant, puis, timidement, je suggérai une idée qui m'avait hanté plus d'une fois. « Si on la noyait ?» dis-je en levant innocemment les yeux sur le chef. « Vous parlez comme un enfant, » répondit-il d'un ton de reproche. « Croyez-vous donc que ce soit si facile de se procurer de la dynamite ?»« Non, je ne le croyais pas. » « Et que ce soit si aisé de la faire voyager ?»« Non, je ne le croyais pas non plus. » « Et lorsque le moment sera venu de nous en servir, ne serait-il pas bon et utile de l'avoir sous la main ?»« Sous la main, » il me faisait frémir. « Donc, » reprit-il avec majesté, « on remettra le précieux dépôt au second chauffeur de la Volumnia, et vous irez le chercher avec les mêmes précautions que vous avez déjà employées et qui vous ont si bien réussi. Vous nous l'apporterez, et nous verrons à la mettre en lieu sûr. »« Bien, » dis-je faiblement, « quand part-elle ?»« Qui ?»« La dynamite. »« Attendez, il faut le temps d'écrire. La Volumnia ne revient qu'à la fin de l'autre semaine, ce sera dans 10 jours. » Ceci se passait aujourd'hui, ma tante, à 12:15. Il est 2 heures, je vous écris. Si vous ne me rappelez pas à Bella, pour affaire de famille ne pouvant se remettre, je serai forcé de me rendre à mon poste, et je ne réponds plus de rien. Quant à me soustraire à mon devoir d'une façon détournée, je ne le saurai. Outre que j'en serai déshonoré pour le reste de mes jours, mes frères en la cause me retrouveraient n'importe où et je paierai ma défection de ma vie. Je sais bien ce que vous me direz. Je n'aurais pas dû m'embarquer dans cette horrible aventure, mais j'oserais vous répondre que si je n'avais pas été découragé par les dures conditions que vous avez mises à mon mariage, je n'aurais pas éprouvé le besoin de m'étourdir à ce point. Quoi qu'il m'arrive, ma chère tante, je ne vous en voudrais pas, mais convenez avec moi que les dangers où je suis tombé ne proviennent pas de ma faute. Si j'étais resté à Bella, rien de pareil ne me fût arrivé. » La comtesse courut à son bureau, prit une feuille de papier à télégramme et écrivit dessus, fort lisiblement, « Reviens immédiatement chez moi, affaire de famille urgente. » De peur que cela ne parût pas assez péremptoire, elle ajouta, ce qui était un pléonasme, « Ne perds pas un instant, il y va de la vie. » Cette dépêche fut portée à la plus voisine station du télégraphe et partit pour Ravenne, ce qui coûta 33 francs. Le lendemain soir, au moment où la comtesse, plus morte que vive, ayant prétexté la migraine depuis la veille pour être plus sûre de ne pas se trahir, allait se mettre au lit, bien avant l'heure, la réponse arriva. « En route, suis sauvée. » « Oh !» pensa la comtesse, « le scélérat est capable d'avoir tout inventé pour se faire rappeler. » Un instant, son indignation faillit éclater. Puis soudain, se rappelant les péripéties racontées par son neveu, elle partit d'un fou rire, pour la première fois de sa vie, probablement.